cansada. Cansi, cansi, cansi, cansa. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Va danser le soir, mets ton cœur en fête. Commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y'a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Mais faut donner pour recevoir. Salut à vous, auditeurs, auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web et sur Orange Radio. Un bonjour à nos amis Facebook. Nous sommes jeudi 10 mars, il est 16h01. Et précisément, vous êtes avec Gilles Oelia dans les années bonheur. On vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h. Bonjour le Québec, il est 10h. Alors, une belle journée et puis des bisous à ma petite équipe. C'est vrai, 6 heures de décalage. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne sont à l'écoute. Enfin, j'espère. Bonjour la France. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, comme tous les jeudis à 16h. C'est très bien, merci. Je suis contente de te retrouver. Mais moi pareil, et puis merci d'être là. Merci à toi. Si je suis là, tu es là. Et ben voilà, c'est ça. J'ai bien aimé. Voilà, alors donc, un petit coucou à Chris qui est dans le studio. Voilà, qui, voilà. Et puis pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir François Duclos, un artiste qui va nous parler de son univers musical et de son premier album. De son premier album, Nos meilleurs souvenirs. Ah. Voilà, c'est un beau voyage dans les années 70 et 80. Ah, c'est alors, génial. Oui, alors pour vos messages, c'est comme à l'accoutumée, hein, sur Facebook, Radio Gémozo, Gilles Mougel officiel, si on transmettra notre invité. Oui. Que je retrouve maintenant. Bonjour François. Bonjour Gilles, bonjour Lina. Alors là, c'est. Alors attends, je vais te présenter ma petite équipe, enfin notre équipe. Alors là, je suis avec Lia. Ah, Lia, pardon, oh, j'avais compris. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est vrai, j'ai l'habitude. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'une lettre qui nous sépare. Oui, il n'y a qu'une lettre qui sépare, c'est vrai. Donc Lia qui est avec moi là, donc en studio, qui est responsable d'antenne. Et qui... Bonjour François. Qui est donc bonjour, Lia. À la régie son. Et puis donc, il y a notre amie Lynn qui est au Québec. Voilà, qui s'occupe du relationnel, hein, voilà, des artistes, voilà, du. Voilà, comme ça, tu connais un petit peu toute l'équipe, François. Je m'excuse encore une nouvelle fois là. Mais non, pas non, c'est pas grave, t'inquiète non, pas, non, t'inquiète pas, de toute façon, y a pas de souci, de toute manière, elle doit être à l'écoute, si je vois. Voilà. Alors, François, merci d'être sur nos ondes cet après-midi. Merci à vous de me recevoir surtout. Bien sûr, non, ça fait plaisir. Et puis je pense qu'on peut peut-être faire un petit bisou à Mado de Radio Puis Haleine. Tout à fait. Hein, puisque c'est elle qui nous a mis un petit peu en relation. Tout à fait. Ah, c'est vrai, ouais. Un gros bisou à Mado qui est peut-être à l'écoute d'ailleurs. Qui est peut-être à l'écoute, oui. De temps en temps, elle nous écoute, Mado. Donc voilà. Alors écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, comme une nouvelle fois. Merci à vous de me recevoir. Ouais. Alors, François, tu me rappelles, tu es dans quelle région? Alors, moi, je suis dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, ouais, d'accord. J'aurais dit ça. Oui, d'accord. Dans les Hauts-de-France, ouais. Oui, à Calais, exactement. Donc, tu vois, en bord de mer, à quelques kilomètres de l'Angleterre. Ah, d'accord, ok. C'est cool, ça. Oui. Et un peu comme vous, il fait très beau aujourd'hui. Oui, c'est ce que tu m'as dit en aparté. Oui, il fait beau aussi, on a le soleil. Ça fait plusieurs jours qu'on a le soleil, c'est bien. Ça fait du bien. Et nous aussi, on a eu beaucoup de vent il y a quelques temps. Là, il y a eu une tempête il y a une quinzaine de jours. Oui. Mais là, c'est vrai que ça fait du bien de se promener en bord de mer. C'est, ah oui, bien c'est sûr. C'est plutôt cool. Ouais, bien sûr, ouais. Puis tu es proche donc de l'Angleterre, alors hein, t'es pas loin de. Oui, nous on est vraiment proche. À côté de l'Angleterre et de la Belgique. Donc j'entendais que tu parlais de la Belgique. Ah oui, la Belgique normalement nous écoute aussi parce qu'il y a des amis artistes aussi là-bas en Belgique, en Suisse et en Allemagne aussi, tu vois. D'accord. Voilà. C'est bien par rapport. Une radio très, très européenne, sans oublier le Québec. Très européenne et le Québec aussi, bien sûr. Oui, on a des artistes aussi là-bas au Québec qui nous suivent et dont on fait aussi La promo ici chez nous, toi, sur Gamozo. Ah, c'est bien. Bah surtout merci parce que c'est très rare d'avoir des radios qui parlent de nous sur toute la France. Donc on ne peut que vous remercier. Eh ben écoute, voilà, c'est avec grand plaisir, François. Voilà, donc alors je vais revenir un petit peu sur ta bio. Non, on va faire un petit peu connaissance de ton univers musical. Et puis voilà. Donc voilà, la passion de la musique, hein, c'est très jeune comme beaucoup de d'artistes. Hein, ça a commencé très jeune pour toi aussi. Oui. Après, moi, je suis issu d'une famille de musiciens. Oui. Donc j'ai toujours été bercé dedans et très jeune. Je suis plongé dans la musique. Voilà. C'est ce que je dis aussi souvent. Moi, je dis, je suis tombé dans la potion magique ou musique. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est ça nous accompagne depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps. C'est vrai. Alors, tu étais aussi animateur radio. Oui, sur la Côte d'Opale. J'ai travaillé pendant des années. Sur Dunkerque, sur Boulogne, sur Calais, Saint-Omer. Oui. Donc sur toute la Côte d'Opale, et j'organisais des plateaux d'artistes. D'accord. Ok. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis devenu plus ou moins artiste, parce que bon, j'étais déjà animateur de plateau, de radio. Oui, oui. Je suis également de clown blanc. Ah, d'accord. Donc j'ai un duo de clown. Ok. Et c'est en faisant des balances pour quelques artistes qui arrivaient pas à l'heure, etc. D'accord. Qu'un producteur, un agent artistique, a remarqué que je chantais plutôt bien selon lui. Mmh. Et donc il me dit, écoute, tu devrais faire chanteur. J'ai dit, écoute, c'est bien, je suis déjà animateur, clown. On va aller chacun à sa place, quoi. Oui, bien sûr, mais bon. Et puis ça, c'était en mois de mars, avril. Et puis quelques jours après, il me rappelle, il dit, bon, c'est bon, t'as une date pour le 15 août. J'ai dit, ok, en quoi, en animateur, en clown? Il me dit, non, chanteur. D'accord. Ah, j'ai dit, bah non, mais là, j'ai pas de répertoire, j'ai rien. Bah écoute, t'as 3-4 mois, t'as jusqu'au 15 août pour apprendre. Et c'est comme ça que c'est parti, plus ou moins, en fait. D'accord. Et ça, c'était donc à quelle année tu commences? Ah bah ça, c'est il y a 4-5 ans. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est très récent, il y a 4-5 ans, oui. D'accord, ok. Oui. Bon, après, j'ai toujours aimé chanter. Oui. Je faisais toujours des balances ou quoi que ce soit. Mais vraiment lancé il y a 4-5 ans. D'accord, ok. Et puis c'est donc cet album, hein, Nos meilleurs souvenirs, donc qu'on va découvrir, bien sûr, que tu as. C'est ton premier album, hein, Nos meilleurs. Oui. C'est premier album. D'accord. Oui. Il a une particularité, c'est qu'en fait, j'ai fait un spectacle à Paris entre malheureusement le Covid. Oui. On a réussi au mois de juillet 2020 d'aller à Paris, et j'avais organisé un bus au théâtre. Nous étions allés au théâtre Galabru à Montmartre. Oui. Et c'est au retour, les gens qui étaient venus voir le spectacle me disent, tu devrais faire un album. J'ai dit, oui, bon, on va attendre un peu. Si, tu devrais, c'est bien. J'ai dit, ok, bah écoutez, pas de souci. Alors, je leur ai donné la liste des 18 titres que je venais d'interpréter à Paris. Oui. J'ai dit, voilà, vous en choisissez 10 dedans. D'accord. Et puis, les 10 qui ressortiront le plus, bah je ferai l'album. Et c'est comme ça qu'il est sorti, en fait. D'accord. Donc, en fait, tous les titres qui sont sur cet album, donc, ont été choisis par... Oui, bizarrement, dans le bus. Ouais, c'est bien, c'est original, et puis c'est spontané, le choix. Oui, c'est vrai. C'est le choix. Il y a même 11 titres dedans, parce qu'en fait, il y avait un medley, je fais un medley de Michel Delpech, mais les ayants droit de Michel Delpech ne veulent pas qu'on enregistre sur des albums, donc j'ai pas eu l'autorisation. D'accord, ouais. Et donc il y avait Mon Vieux, où je devais demander les autorisations, Mon Vieux de Daniel Guichard, ouais. Et bon, j'avais dit, si on me donne l'autorisation, bah je le mets, si on me le donne pas, bah c'est tout, et au moins il y aura 10 titres. Mmh, et j'ai eu la chance qu'il me donne les autorisations pour que je mette Mon Vieux sur l'album. Donc du coup, il y a 11 titres. D'accord, ouais. Oh, ça fait un bel album, et puis comme je disais tout à l'heure, hein, dans l'intro, un beau voyage, un retour sur les années 70 et 80, hein. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Ça c'est bon, bien ça. Moi c'est mon style, hein. Ah oui, ben voilà, écoute, on est moi c'est pareil. Non, mais c'est vrai que les années 80, c'était une belle époque, des belles années, les années 70 aussi bien sûr, et voilà. Oui, et puis ce sont des chansons que tout le monde connaît. Donc ce week-end dernier, j'étais encore en spectacle. Les personnes venaient me voir en me disant, bah écoute, il y a des chansons que tu interprètes qu'on avait oubliées. Oui. Mais dès qu'on chante, on chante avec toi parce que ça nous revient de dire bah oui cette chanson là, je sais pas les bon qui n'est pas dans l'album mais les marionnettes par exemple de Christophe. Christophe, oui. Il y a Dieu joli Candy aussi que je fais en spectacle. Ah oui, Jean-François et les gens Michael. Voilà Jean-François Michael. Donc les gens on l'entend de temps en temps mais un peu moins maintenant. Oui, donc, c'est vrai. Bon, c'est ce qui fait plaisir aux gens, c'est que ça permet de retrouver des chansons. Ah oui, ça revient tout de suite. Oui, voilà. Les premières notes, premières mélodies, tout ça, ça revient tout de suite. Hein. On les a, dans la tête, c'est vrai. Hein, c'est bien, vrai. François. Alors moi, je te propose qu'on écoute tout de suite une chanson, parce que voilà, on est une heure ensemble, mais souvent ça passe vite. Alors, on va écouter une première chanson. On y va, avec plaisir. Et voilà, alors on va écouter donc pour le plaisir, une chanson d'Herbert Léonard, hein, à l'origine. Oui, tout voilà. À fait. Et donc on écoute et on se retrouve après. À tout de suite. Pour le plaisir. Ah, allô, oui. Oui, pardon. Oui, pour le plaisir. Pour le plaisir. Puis le plaisir de t'écouter, un grand titre hein, de voilà qui a été chanté par Herbert Léonard, écrit par Julien Lepers. Exactement, oui, c'est vrai. Et c'était un retour, je crois, pour Herbert Léonard quand il a chanté Pour le plaisir. Je crois qu'il avait un petit moment, un petit creux de... Ça, je ne sais pas. Ouais, sais il pas. Me semble que tu me, tu me l'apprends. Ouais, tu vois. Non, mais il me semble que c'était un retour pour Herbert Léonard. Je crois qu'il, oui, il avait fait quelques 45 tours avant, mais il, je crois qu'il a percé ou il a fait un retour avec ce titre-là. Puis après, bien sûr, après d'autres titres hein, dans les années 80. Voilà. Ah oui, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est, voilà. Il y a de nombreux titres aussi. Ah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Alors, je voulais dire, François, donc, ben, tu nous as dit, bien sûr, que tu faisais les balances pour les artistes. Alors, tu as rencontré pas mal d'artistes, je suppose, hein. Est-ce que tu as rencontré tous ces gens? Herbert Léonard, tu l'as rencontré? Herbert Léonard, justement, j'allais te le dire, il y a deux ans, je crois, deux, trois ans, oui. Sur un plateau d'été. Oui. Le week-end dernier, j'étais encore avec Michel Thor, en première partie de Michel Thor, par exemple. D'accord. Par le biais de l'animation également, j'en ai croisé quelques-uns, oui. Oui, bien sûr, hein, bien sûr, oui. Je vois que tu mettais Herbert Léonard, dont on en a parlé, Christian Vidal aussi. Christian Vidal. Delagrange, voilà, ouais. Je serai avec Evangélie bientôt. Oui. Collectif Métissé le 2 avril. D'accord. Par exemple, Claude Barzotti il y a deux ans. Ah ouais. Oui, j'en ai croisé quelques-uns. Oui. Oui, c'est toujours... On apprend toujours. Ah bah oui, bien sûr, oui. Ça permet de voir comment eux ils travaillent, comment ils font. Bien sûr, ouais. J'ai croisé bizarrement justement avec Michel Thor la semaine dernière, Frédéric François par exemple. Qui sort un nouvel album de duo. De duo, c'est ça. Oui, et c'est en ça. Fait, ouais. ils étaient pour une radio en plateau privé. Oui. Et comme le producteur savait que je faisais Michel Thor en première partie deux jours après, ils m'ont invité. Donc il y avait Jean-Baptiste Guégan également. Ah oui, qui oui. Qui fait partie de l'album également. Exactement, oui, Jean-Baptiste Guégan. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc ça permet de faire de belles connaissances et comme je disais, de pouvoir apprendre aussi ce qu'il faut faire et pas faire. Bien sûr, de belles rencontres, c'est vrai. Oui. Alors nous en radio ici, ben on a eu Christian Delagrange, on a eu Christian Vidal. Voilà toi aussi. On... c'est... Ah oui, non, c'était non, sympa, c'est vrai que. Ah ouais, c'est ouais. Intéressant. Christian Vidal, oui, c'était l'été dernier. Mmh. Pareil, on a beaucoup discuté. Bon, bah pareil, moi en spectacle, je reprends le titre d'Angélique. Angélique, d'accord. Ouais. Et donc du coup, on a pu discuter. Bien sûr, le jour du spectacle, je l'ai pas fait puisque lui le faisait après. Oui, bien sûr. Mais bon, ça permet de bien discuter. Il y a de belles rencontres. Il y a des rencontres un peu rapides également. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Ah ben bien sûr, ouais. Alors pour toutes ces chansons, hein, tout à l'heure tu nous parlais des ayants droit de je ne sais plus. C'était de Michel Delpech. Michel Delpech, quoi, c'est ça. Daniel ouais, ok. Richard. Donc, mais je veux dire toutes ces chansons que tu chantes, t'as eu aucun problème donc pour pouvoir les interpréter, t'as eu l'accord de tous les. Oui. Au niveau spectacle, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, lorsqu'on enregistre un album, il faut passer par la SCRD, etc. Oui. Et donc, c'est eux qui nous disent, voilà, attention, vous devez demander l'autorisation aux producteurs, aux ayants droit, etc. D'accord. Et c'est comme ça que, pour Michel Delpech, j'ai appris que les ayants droit ne veulent pas qu'on reprend des titres dans des albums. Oui. Donc voilà, bien sûr, c'est compréhensible. Hein. Bien sûr. Ouais, mais ouais. Il nous donne l'autorisation, bien sûr, de chanter sur scène, mais pas d'enregistrer un album. Oui. Donc tu peux les chanter sur scène, mais pas d'album. Oui. D'accord. Mais pas les enregistrer, voilà. Mm-hmm. Et après, comme Daniel Guichard, pareil, c'était son éditeur pour Mon Vieux. Oui. Parce que là, sur l'album, il y a je viens pas te parler d'amour, mais ouais. Là il y avait pas de demande particulière. Mais pour Mon Vieux, il y avait des demandes particulières, donc j'ai dû faire des demandes. J'ai dû envoyer la bande avec ma voix, enfin enregistrée, la bande enregistrée, ouais. Voir si ça leur plaisait. Ça leur plaisait, d'accord. Et j'ai eu l'autorisation assez rapidement, en disant qu'il n'y avait pas de souci. D'accord, ouais, ok. C'est et d'ailleurs, en décembre dernier, j'ai fait un petit cabaret, un cabaret à Paris, le Bise. Et sans le savoir, il y avait le guitariste de Daniel Guichard qui était dans la salle. Oui. Et donc ils m'ont fait interpréter Mon Vieux. Ils l'ont fait, Ils m'ont fait interpréter mon vieux, mais ils me l'ont dit après qu'il y avait le guitariste. Ah oui, d'accord. Et bon, du coup, bon, il était, bon, ça allait, il est pas tombé de la chaise. Bon, bah, c'est bien. Et, c'est plutôt bien. Bah oui, oui. Et on a même discuté après, il m'a même laissé son numéro de téléphone, on s'est rappelé quelques jours après. Il m'a dit, écoute, si je suis dans le coin avec Daniel Guichard, pourquoi pas se rencontrer? J'ai dit, bah, écoutez, très bien, moi, ça me va très bien. Ah, bah oui, oui, c'est sûr. Et moi, je trouve sur les deux chansons que tu chantes de Daniel Guichard, mon vieux, et je viens pas te parler d'amour, je trouve que l'intonation, comment je dirais ça? Est proche, vous voyez, voilà, c'est ça. Je veux dire, il y a une légère intonation, hein, si on écoute bien. J'ai écouté toutes ces chansons, mais je trouve qu'elle est proche sur Daniel Guichard. En restant humble, on me le dit assez souvent. Et d'ailleurs, même Philippe, le guitariste de Daniel Guichard, m'en avait parlé. Il m'a dit, écoute, tu chantes la chanson Mon Vieux, tu veux pas imiter Daniel Guichard. C'est surtout ce qu'il faut pas faire. Oui, bien sûr. Tu le fais à ta façon. Mais c'est vrai qu'il y a l'intonation qui revient assez, et on me le dit assez souvent, oui. Ah bah d'accord. Restant humble, bien sûr. Je suis toujours content. Je me suis pas trompé. J'ai l'oreille musicale. Bon, il faut, hein, en radio. Bon, François, si tu veux, je te propose justement, on va écouter Mon Vieux. D'accord. Hein, de Daniel Guichard, interprété par toi, là. Donc voilà. Et puis on se retrouve après. À tout de suite. Merci. Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas là. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, soit en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Été monotone, on ne recevait jamais personne, ça le rendait pas malheureux, je crois. Mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paix quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. C'est la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. J'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux. Nous deux, j'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux. Vieux, mais quand on a juste 15 ans. Ces choses-là, tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Mon vieux, toujours une belle chanson, toujours qui donne des frissons toujours quand on l'écoute, je trouve, cette belle chanson. Ah oui, oui, François, bah c'est une chanson qui qui porte beaucoup. Ah oui, oui, bien sûr, c'est vraiment c'est une belle chanson triste aussi, mais c'est vrai que souvent, bah, des fois les chansons tristes sont aussi de belles chansons. Oui, oui, oui. Et j'évite souvent, lorsque je suis sur scène, de dire que je vais la chanter. Je laisse partir la musique. Oui. Parce que je sais que souvent, au début, j'annonçais que j'allais chanter cette chanson. Et je voyais souvent quelques personnes quitter la salle parce qu'elles ne voulaient pas écouter cette chanson. Ah, d'accord. Alors c'était, okay. Ouais. C'était un peu, perturbant. Oui, bien sûr. Donc du coup, maintenant, lorsqu'ils reconnaissent un peu le début de la mélodie, bon, il y en a encore qui... Mais on voit encore quelques petites larmes qui coulent de temps en temps. Ah oui, bien sûr. Bon. Oui, je comprends. Bon, après, faut vraiment mettre un titre qui bouge après pour dire de remettre un peu d'ambiance. Parce que là, ça plombe un peu l'ambiance. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est comme ça. Hein. Alors, François, tu nous as parlé donc de tes concerts. Et il y a aussi la télévision. Oui, j'ai eu la chance de faire quelques télévisions, oui, en Belgique, en France. Les émissions sur France 2, hein, je vois France 3. Oui, France Télévisions, il y a eu IDFA avec Jackie, le club Dorothée. Bien sûr, Jackie, et puis... Il y a la Belgique, il y a la TLMB, il y a... Chez Michel Prouvot, Qu'on avait reçu aussi en fauneur, Michel Prouvot. Oui. D'ailleurs, il est en train de recontacter les artistes pour les prochains enregistrements sur un air d'accordéon. Normalement, j'aurai la chance de pouvoir y reparticiper cette année. D'accord. Donc, je suis très fier. Non, c'est, il y a, ça marche bien, c'est vrai que, télé, oui. Est-ce que tu connais les Vosges? On va dire que ta carrière est quand même assez récente, Oui. Mais est-ce que tu connais notre région, les Vosges? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, de venir dans le Grand Est? Oui, à Gérardmer. Ah, Gérardmer, oui, bien sûr. Oui. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, pas l'été dernier, mais l'été donc 2020. D'accord. J'ai passé 15 jours à Gérardmer, la Bresse, etc. Oui. Après, j'ai tourné un peu dans le coin pour visiter. Oui. Mais non, vous avez une très belle région. Oui, c'est vrai que... Alors moi, je bois pas beaucoup d'alcool, pour être franc, hein, bien sûr, avec modération, mais il paraît que vous avez de bons vins aussi. Oui, il y a des bons vins, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Avec modération, on le dit toujours, mais bon moi, j'en bois pas beaucoup, je bois pas beaucoup d'alcool, mais je sais que pendant 15 jours, votre vin a été apprécié. D'accord, oui, c'est la petite Mirabelle aussi, de Lorraine, Voilà quoi. Je connais un peu le coin. D'accord. Bah moi je connais un petit peu les Hauts-de-France aussi, j'ai eu l'occasion d'y aller. Oui. Aussi puis c'est des gens très très très sympas, très charmants, très accueillants en Belgique aussi. Vous c'est pareil hein, on va dire que vraiment alors moi quand je dis les Hauts-de-France, moi j'appelle ça le Grand Nord parce que je tourne aussi un peu du côté de Reims. D'accord. Je vais jusqu'à Paris, tu vois, donc je descends jusqu'à Paris. Donc moi, j'appelle vraiment, j'ai une ligne, en fait, tout ce qu'il y a au-dessus de Paris, quoi, en fait. D'accord. Et on voit la différence. On voit vraiment le contact. Bon, après, je parle de la Belgique aussi, parce que je vais assez souvent aussi, nous, on n'est pas loin. On a vraiment le même contact. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Mado, on en parlait encore il y a quelques temps parce qu'elle était venue voir un spectacle. Oui. Et elle est allée chez vous quelques jours. Oui, bien sûr. Pour un festival avec Michel Monaco. Avec Michel Monaco, bien sûr. Ouais. Et on en discutait en disant que elle avait été bien reçue et que vraiment c'était vraiment sympathique. On avait même vu le reportage sur TF1. Oui. C'est vrai, tout à fait. Du festival, donc. Oui. Donc, vous voyez, on parle souvent de vous. Ah, ben, c'est bien. C'est vrai que Mado, elle aime bien les Vosges, je crois, ça fait quelques années. Elle aime bien les Vosges. Oui. Ouais, on avait fait une émission ensemble aussi avec Mado, elle était venue dans les Vosges, c'était, je sais plus, il y a 4 ans. Ouais, c'était avant le Covid, de toute façon. Ouais, puis bon, c'était l'occasion, on a fait une émission tous les deux. Oui. Voilà, et c'était sympa. Donc, c'est pareil, je lui dois un retour aussi. Il faut que je suis allé la voir aussi. Ah oui, parce que tu vas aller du côté de Compiègne. Oui, c'est ça. l'année prochaine, si elle va l'année prochaine ou dans 2 ans, qu'elle y retourne, qu'elle me prenne dans ses bagages. J'aille chez vous, vous voir. Ah, ben, ce serait avec plaisir de se rencontrer, François, bien sûr. Ouais. Bah, c'est vrai qu'elle suit toujours beaucoup les artistes Mado. Hein. Voilà. Oui, nous, oui, on s'est oui, rencontrés oui. d'ailleurs sur des plateaux avec des artistes, avec Mado, hein, la première fois qu'on s'est vus. Voilà, oui. Quoi, c'était sympa. Bon, je la taquine toujours un peu parce que je dis qu'à chaque fois qu'avec Michel, dès que Michel est là, ah on oui. est tous oubliés. Oui. Si elle écoute, elle doit se marrer là. Je pense. Elle doit rire. Oui. Elle doit rire. J'ai encore eu Michel il y a 15 jours, 3 semaines au téléphone parce que pareil, bah on s'était rencontrés sur l'enregistrement d'un air d'accordéon justement lorsqu'on avait enregistré tous les deux l'émission de Michel Pruvot. Oui. Et du coup, on est resté toujours en contact et bon bah par le biais de Mado, on reste souvent en contact. Ah bah c'est et vrai. J'ai eu Michel il y a 15 jours, 3 semaines et on en rigolait parce que de toute façon à chaque fois que Michel Monaco est là, les autres sont oubliés. Et elle en rigole, il en rigole aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est formidable, je trouve, hein, ces contacts comme ça. Oui. Hein, c'est vrai que c'est... c'est ce que je disais au début, sans prise de tête. Voilà. On a la chance de faire ce qu'on aime. Oui. Bon, bah voilà, moi je vis pas de la musique, j'ai un travail à côté. Oui, mais je bouge beaucoup et comme Michel, comme Baldo Léon. Oui, Baldo, Baldo aussi, on a vraiment un très bon contact. Ouais, d'ailleurs, bien. Baldo, je l'ai encore eu il y a quelques jours au téléphone. Je pense qu'on va. J'ai fait plusieurs fois son émission Chansons Souvenirs, son émission de télé. Il est en train de voir s'il va pas m'écrire une petite chanson. D'accord. Perso. Ouais. Donc voyez, il y a vraiment tout un petit groupe comme ça. Bernard Bourgeois, quelques artistes comme ça. On se prend pas la tête, donc on est content de se retrouver sur des plateaux. Oui, c'est bien, c'est cool. Non, mais c'est bien, je trouve. Alors François, si tu je sais pas si tu as des contacts avec Bernard, mais tu lui diras que je l'attends toujours. Hein. D'accord, ok. Je lui passerai le message. Tu lui passeras le message. Oui, pas de problème, avec plaisir. Non, mais c'est vrai qu'il était en vacances. Je sais plus l'année dernière, et puis il a eu un accident. Enfin voilà, on va pas. Et il devait venir en studio, et puis malheureusement voilà, ça s'est pas passé comme il voulait. Et puis après on peut faire aussi une émission par téléphone, mais c'est vrai que vous tous là, je connais, tu vois, je ne suis pas perdu quand je parle avec toi parce que c'est tous des artistes et des artistes, pour certains que j'ai vus et d'autres que je connais, tu vois, c'est chouette quoi. Puis aussi les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Hein. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'à part Facebook, Instagram, etc., tout ça, voilà, on a des messages et ça permet de suivre l'actualité. Bien sûr. Mais c'est vrai que le contact entre nous passe toujours bien et on est content de se retrouver sur des télés, sur des plateaux. Moi, c'est bien. C'est cool. Voilà. Et puis, pareil, on s'échange des contacts radio aussi. J'ai fait telle radio, tu devrais la faire. C'est un peu difficile. Et puis voilà. Et puis on est là, on s'entraide. C'est un peu comme nous, tu vois, comme nous animateurs. Hein. Je connais donc Mado, donc depuis Alène. Je connais aussi Roselyne de BLC. À Caudry, je sais pas, tu connais donc aussi. C'est vrai qu'entre nous aussi, on discute des fois quand on se voit, puis par message, et on se dit tiens, j'ai rencontré tel artiste, est-ce que tu voudrais pas. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai eu pas mal aussi d'artistes de Mado. Moi, je lui en ai aussi, je lui ai parlé aussi des artistes que j'ai reçus, tu vois. Et c'est bien, c'est sympa. Et comme ça, tout le monde il trouve son compte. Je pense que c'est cool. C'est vraiment. Et là, on devient, je dirais, une petite famille. Enfin bon, voilà. Et puis des amitiés qui se créent, des beaux contacts, quoi. C'est vrai, c'est cool. Tout à fait. Alors François va s'écouter une autre chanson. Oui. Voilà, il va écouter Mama. D'accord, de Franck Michael. De Franck Michael. Voilà. On écoute. Passé n'est pas un problème. Rien n'a changé, tu es restée la même. Il y a dans tes yeux autant de lumière. Et aujourd'hui tu es plus jolie. Tu as le charme de tes cheveux gris, mais ta plus belle robe on s'en va. Toi et moi, oh mama. Ce soir on fait la fête, on sort en amoureux, mama. et moi, ou ma main. Ce soir on fait la fête, on s'en rend amoureux, ma main. On va chez l'Italia boire le vin que tu veux, ma main. Ce soir tu te fais belle, je t'invite à danser, ma main. Tu n'as pas le droit de refuser, je t'enlève. Alors, François Duclos sur les ondes de Radio Gémozo cet après-midi dans les années bonheur. Voilà, François, on vient d'écouter Mama. Oui. Une belle chanson de Franck Michael aussi. Tu as l'occasion de le rencontrer, Franck Michael. Oui, il y a 2-3 ans. Ouais. Alors, plutôt, moi, j'étais en animation au plateau. Oui. Et il était là. D'accord, donc, on a discuté avec Enzo, son producteur. Ah, ouais, voilà. Et oui, je l'ai croisé aussi. D'accord. Oui, parce qu'on a essayé d'avoir Franck Michael en interview avec, moi j'ai essayé, mon ami Lynn a essayé aussi, mais on s'est, comment je veux dire, Enzo n'était pas très, n'était pas très chaud. Enfin, je sais pas. Ah bon? On n'a pas eu de réponse. D'accord, ok. Bon. Je dis ça, je dis rien. Oui, après, c'est son choix, mais c'est oui, vrai c'est que c'est son bizarre. Choix. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre. Parce que bon, il tourne aussi ici, hein, je dirais ici, dans les Vosges, en Alsace. Enfin, il tourne, oui, il est venu dans les Vosges, souvent, en Alsace, tout ça, quoi, tu vois, je voulais, voilà. Oui, c'était bien sûr, dans oui. d'une sortie d'un de ses précédents albums. J'ai dit, tiens, pourquoi pas Franck Michael, sur nos ondes. Bah oui, moi, ça j'aime fait toujours de la promo. Bah bien sûr, hein. Non, puis c'est sympa. Hein. Moi, j'aime bien ses chansons, voilà. Mais bon, on est tombé, voilà. Ça s'est pas fait. Bon on verra bien, peut-être. Peut-être pour le prochain. Peut-être pour le prochain, oui, sait-on jamais. Hein. On va pas désespérer. On avait demandé gentiment, oui. Hein. On avait demandé gentiment. Oui, non, je m'en doute. Voilà, François. Donc, alors, cet album, Nos meilleurs souvenirs est sorti en septembre 2020. C'est bien ça? Oui, ah, c'est ça, oui. Voilà, d'accord. Donc, on va faire peut-être un peu de promo aussi pour ton album, pour cet album. Donc, comment peut-on se le procurer? Alors, c'est tout simple. Pour nos auditeurs, auditrices. Ouais. Oui, c'est tout simple. Les auditrices et auditeurs peuvent me contacter par Facebook. Hein, j'ai deux sites. J'ai François Duclos, la page François Duclos officielle, ou Francois Duclos, parce que j'avais dû enlever le franc. Ah oui. Par Messenger. Après, vous envoyez un chèque, je vous envoie l'album sans problème. Il est à 10 €. Bon, avec les frais, ça fait 13 €. Ouais, d'accord. Et ouais. Puis, voilà, avec plaisir, je vous l'envoie. Oui. Ou si je suis en spectacle dans votre coin, et ben voilà, après le spectacle, je fais des dédicaces et j'en profite pour vendre l'album. D'accord, ok, c'est très bien, ok. Ouais. Alors, album 2020, est-ce que tu as déjà des projets pour un futur album? Est-ce que tu as déjà quelque chose, tu as déjà pensé à des projets, à quelque chose Oui. En fait, bon, il y a le deuxième album qui devrait plus trop traîner. Oui. Pareil, avec des reprises. Oui. Il y aura peut-être une ou deux chansons personnelles, hein, comme oui. je parlais tout à l'heure, Baldo est en train de voir si Baldo, on pourrait pas m'écrire une chanson. J'ai envie de faire des duos aussi. Ah oui, c'est bien ça. Donc il y aura un petit mélange dans ce deuxième album, il y aura un mélange de tout ça, peut-être un titre perso, des reprises et puis des duos. Mmh, c'est en c'est en projet, je travaille dessus. Oui, bien sûr. Je sais que mon ingénieur son qui travaille, qui avait fait le premier album, refait son studio également un petit peu. Donc là, oui. Voilà. Donc lui, il est en travaux, moi je suis en projet. Donc quand tout sera fini, je pense qu'on enregistrera. D'accord, ok. Bah, mais c'est bien, voilà, tes projets, hein. C'est demandé en plus, donc. C'est vrai que l'album a un peu moins de 2 ans maintenant. Oui. Mais bon, j'ai eu la chance entre les pandémies Covid de pouvoir faire quand même des galas, de pouvoir aller à Paris, de pouvoir faire des télés. Ouais. Donc du coup, l'album a vécu quand même un peu. C'est bien, ouais, c'est bien, ouais. Ouais, c'est vrai que bon, après il y a des artistes aussi qui ont travaillé pendant le Covid, enfin qui ont composé, qui ont écrit et tout ça. Ah bon, c'est vrai que bon, c'est pas marrant pour les artistes toute cette pandémie, etc. Mais bon, il y en a qui ont profité aussi pour bosser, tout ça, pour travailler. Donc tout n'a pas été négatif, on va dire. Voilà, bon. Après, ça a été très dur, pour être franc, ça a été très dur pour tout le monde. Oui. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'intermittents du spectacle. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail à côté, donc je l'ai senti moins. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui sont restés chez eux pendant 2 ans et ça a été très très très difficile. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que ça leur a permis aussi de travailler un petit peu et de sortir un peu ce qu'ils ressentaient sur des chansons, quoi, par exemple. Oui, exemple. Oui. Je sais qu'on avait reçu 2-3 artistes où chacun avait composé une chanson par rapport à ce Covid. Voilà. Et mais d'autres aussi qui. D'ailleurs, on a eu pas mal d'interviews. Je dirais après, tu vois. Voilà, tous des artistes qui avaient sorti leur album, enfin qui avaient travaillé leur album pendant le Covid, et puis après, ben voilà, certains hésitaient un petit peu à le sortir, voilà, puis d'autres non, on va dire bon voilà. Donc on a vu pas mal de monde, hein, qui sont venus vers nous et tout ça, c'est bien, enfin voilà. Oui, oui, et puis là, même le public a besoin de sortir, on sent quand même qu'il y a une attente. L'été dernier, on a commencé à en sortir un peu. En septembre, bing, on a eu une nouvelle pandémie. On était tous au mois de décembre. Moi, en tant que clown, en arbre de Noël, d'habitude, j'ai 15-20 dates. Là, j'en ai eu que 2. Ah oui, oui. Voilà, donc on était tous une nouvelle fois, on restait chez nous. Donc l'été dernier, on a dit ça y est, c'est bon, on en est sorti. Et pour finir en septembre, on est retombé. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, on sent quand même, bon, on parle quand même de fermeture, de centres de vaccination, etc. Donc on sent quand même qu'on a... Et on voit que le public a besoin de sortir. C'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Michel Thor. Il y avait près de 600 personnes dans la salle. Ça fait du bien, quoi. D'entendre chanter, de voir tout le monde bouger. Et on le sent lorsqu'on faisait des dédicaces après avec Michel Thor. Oui. Les gens le disaient que ça faisait du bien de sortir, de voir du monde. Le public a besoin de revivre un peu aussi. Ah oui, bien sûr, oui. Mmh. Ah bah oui. On était aussi contents, nous, de revoir... Voilà, de revoir des artistes, de revoir des concerts et tout. C'est vrai que ça manquait beaucoup. Hein. Alors, même certaines radios qui travaillaient, les animateurs travaillaient chez eux, quoi, en télétravail. Et après, se retrouver en radio après, dans les studios, ça faisait du bien aussi, quoi. Ah bah oui, bien sûr, oui. C'est sûr que nous c'est pareil. Hein. On était un petit moment sans se voir. Et puis voilà, après on a repris. Et puis voilà, ça fait du bien. Ça manquait aussi, hein, Alors, François, on écoute une autre chanson. Avec plaisir. Alors oui, pardon, je t'ai coupé. J'attendais le titre avec impatience. D'accord, j'ai fait mon petit choix. Alors, les valses de Vienne. Ah, voilà, là on repart dans les années 80. Dans les années 80, voilà. On écoute, merci. Du pont des supplices tombent les actrices et dans leurs yeux chromés le destin s'est brouillé au café de Flore. La faune et la flore. Maintenant que deviennent les valses de Vienne, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces Maintenant, que deviennent les valses de Vienne. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes. Dis-moi si tu m'aimes. Maintenant, que deviennent les valses de Vienne et les volets qui vincent la château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, à quoi tu penses? Maintenant, que deviennent les valses de Vienne. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait les mêmes. Dis-moi si tu m'aimes. Maintenant, que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent à château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, dis à quoi tu penses. Voilà, les valses de Vienne, François. Les valses de Vienne que je vais interpréter la semaine prochaine dans l'émission de Baldo, justement, Chansons Souvenirs. Ah, d'accord, ok. C'est super. Suffira de se brancher sur la page Chansons Souvenirs. Chansons Souvenirs, oui. Ouais, je connais. Je passerai dans l'émission. D'accord, donc Baldo. Oui, Baldo, c'est pareil, on devrait avoir prochainement une émission avec Baldo. Il m'avait dit quand il passerait dans le coin, il viendrait nous voir. Ah oui, là, il est dans sa Dordogne, oui. Au soleil. Oui, dans Dordogne, c'est ça. Ouais. Il remonte souvent en Belgique pour les émissions, justement. D'accord, ouais, ok. Ouais. Alors, donc, ton univers, François, c'est les années 70-80. C'est ça, ouais, français. Français, toujours français. Oui. Pas anglais. Non, pourtant, on est à 30 km de l'Angleterre. Bon, je me débrouille en anglais, mais... Ouais. Là, reprendre des chansons d'anglais, non, je préfère. Non, mais c'est pas. C'est bien. Bon, moi, j'ai rien contre les chansons anglaises. Bon, moi, c'était plutôt les années, tu vois, les rock, tout ça. Mais je veux dire, bon, c'est vrai, il y en a tellement trop qui chantent en anglais. Oui. Quand tu regardes les émissions télé, bon, après, il y a des belles voix et tout, hein, je veux pas faire de... Mais il y en a tellement beaucoup qui chantent en anglais, donc voilà, un peu. Le français, c'est une belle langue et tout, voilà, restons... Restons français. Ouais. Donc les années 70-80, tu pourrais pas faire de reprise de peut-être par exemple de d'autres artistes, comment je veux dire, non, plus, non. Souvent ce que j'ai en interview, c'est que j'écoute du Vianney, j'écoute du Maître Gims, ouais. Bon, j'écoute un peu de tout, mais je me vois pas faire ça sur scène, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup d'artistes avec que je croise sur des plateaux, et puis qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui font ces reprises-là. Voilà. Moi, bon, je suis un enfant des années 70. Voilà. Je suis resté bloqué sur le 70-80, quoi. Oui, bah c'est d'accord. Donc non. Après, si pour rigoler, pour s'amuser entre nous en famille, on chante. Oui, bien sûr. Mais sur scène, non, je reste vraiment dans mon domaine. Dans ton domaine, 70, que tu connais 80. Bien. Voilà, c'est. Oui, c'est bien. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est des belles années et nous sommes de des bonnes années. Oui, c'est nous, ça, voilà. Nous les enfants des années 70-80. C'est ça. N'est-ce pas, l'IA? Mais l'IA est beaucoup trop jeune. Ben l'IA, elle est plus jeune, oui, bien sûr. Je te laisse, l'IA peut-être. Je suis jeune, mais j'apprécie quand même. Ouais, c'est vrai que... C'est bien. Mais il y a beaucoup de jeunes qui apprécient. Mais c'est l'histoire de la musique, quand même. On est passé par un grand moment dans ces années-là. On connaît tous ces chansons, peu importe l'âge. Tout à fait. Et même, bon, voilà, les grands-parents qui ont chanté, qu'il y a les parents qui chantent. Bien sûr, ouais. Suivent, quoi. Ah bah oui, c'est sûr, on était... Puis là, c'est vrai qu'on a un beau patrimoine de chanteurs, de chansons françaises, hein. Ah oui, c'est on a de quoi faire. Oui. On a le choix, oui, c'est clair. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors, François, oui, 16h51. Eh bien, si on écoutait un titre d'Hervé Villard. Ah, Méditerranéenne. Ah, alors, c'est là, j'aime bien. Alors, petite particularité. Oui, vas-y, je t'en prie. L'entendre, puisque c'est une reprise, hein, au départ, c'est une reprise de Toto Cotugno. Ouais, Toto. Donc, pour la première émission de télé en Belgique, c'était avec le regretté Franck Michael. Franck Michael, non, pardon. Attention. Franck, pardon. Ah, oui, oui, Franck. Franck Olivier, qui ah, nous oui, a quitté il y a quelques temps. Oui, oui, d'accord. Et, il m'avait laissé ma chance sur sa, au niveau de la, il faisait une émission de télé également en Belgique. Oui. Et, donc il m'avait demandé d'interpréter cette chanson parce qu'en fait, bon, je la chante en français et en italien. Donc, je m'excuse auprès des Italiens d'origine qui ouais. écoutent la chanson parce que bon voilà, j'ai pas appris l'italien, j'ai chanté comme je pouvais. Bien mais sûr. Bon, lorsque je croise quelques Italiens, ils me disent ouais, c'est pas mal. C'est donc, pas mal. Ça peut mieux faire, mais c'est pas non plus catastrophique. D'accord. Oui, donc tu as aussi connu Franck Olivier, bien sûr. Oui, malheureusement. Malheureusement, Franck Olivier était venu avec Marcel dans nos studios. Oui, Marcel Alexis, oui. Marcel Alexis, ils étaient venus deux fois, tu vois. C'est vrai que c'était triste aussi quand même. C'est ma toute première télé en Belgique, c'était avec Franck et Olivier. D'accord, Franck Olivier, pardon, et Alexis. Mais Marcel Alexis, ouais, ok. Oui. Ok, donc on écoute Méditerranéenne. Sera la tienne. Méditerranéenne, ô Sainte Marie que j'aime, y a danger pour l'étranger. T'as sur le front la croix de ton village, et de grands yeux noirs qui me dévisagent, qui t'a donné ce déhanché, toi qui es né entre les vignes et les champs d'oliviers. Les orages, les flamants roses et les chevaux sauvages, éparpillés, ensoleillés, ensorcelés comme le sont tous les gens du voyage. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré, y a danger pour l'étranger. Lasciatemi cantare una chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono italiano, italiano vero. Et de prier sous le ciel de Camargue, qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu-pied au milieu des gitanes. À la tombée du jour, le feu, les flammes raniment l'amour dans le cœur des femmes. Quand tu es triste, un guitariste, un violoniste est toujours là pour jouer du vague à l'âme. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré, y a danger pour l'étranger. Lasciatemi cantare, con la guitarra in mano, lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono italiano, italiano vero. I'm petite Marie que j'aime. Y a danger pour l'étranger. Méditerranéenne. Voilà François, ben c'est, je vais te dire quelque chose, mais c'est pas mal la partie chantée en italien. Bon, ben merci. Non, mais c'est très sincère, et j'ai même cru que d'entendre Toto Cutugno. Non, là je plaisante. Non, c'est ma petite note d'humour, il fallait que je la fasse. Non, mais très sincèrement, non, c'est vrai que là, je pense que la partie chantée en italien est très bien, moi je trouve que c'est bien. C'est gentil, merci. Bon, après, peut-être que l'italien, je sais pas, voilà. Mais je sais pas. Mais moi, franchement, ça passe bien et tout. Hein. Moi, ouais, c'est gentil, merci. Non, bah, écoute, voilà, François. Alors, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour, François, pour cette émission hein, du Nord. Bien sûr, on va rester en contact pour j'espère le prochain bien, album. Hein, et pour le prochain pour album. La suite, et pour la suite, bien sûr, on va rester en contact et pour le prochain album. On se retrouvera, bien sûr, en espérant se voir aussi, pourquoi pas, dans les Vosges. Dans les Vosges, hein, ou alors, nous dans les Hauts-de-France, enfin, dans oui, oui, oui, avec plaisir, ah, le premier qui croise l'autre. Ah, bah oui, bien sûr, hein, voilà. Bon, je bouge assez, moi, dans 15 jours, je suis en Haute-Savoie, par exemple, je chante à Châtel dans 15 jours. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Tu vois. Oui, oui, c'est... Si je peux venir dans les Vosges sans problème, donc ouais, ouais. Ce serait avec plaisir en tous les cas. Ah ben d'accord, pour nous aussi, écoute François. Voilà, je pense qu'on a tout dit, hein. Voilà, on a fait oui, le tour. Juste un petit une peu petite. De... Vas-y si tu veux. Oui. Une petite promo. Oui. En fait, parce que le 2 avril prochain, je suis sur un gala en Belgique et c'est l'association Rêve d'enfant. Alors on est plusieurs artistes, hein. C'est vraiment tout l'après-midi. Bon, ah, moi d'accord. Je débuterai le spectacle parce que le soir. Je suis en première partie avec Collectif Métissé. Oui. Mais bon, c'est vraiment une chose qui me tient à cœur parce que c'est une association Rêve d'enfants qui vient en aide aux enfants malades dans les hôpitaux en Belgique. D'accord. Donc ouais. On sera beaucoup d'artistes tout l'après-midi. Donc s'il y a des amis belges qui nous écoutent, on se donne rendez-vous le 2 avril prochain à Verviers. Donc c'est pour une bonne œuvre. Si d'accord. Vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. C'est vraiment pour remettre ensuite l'association, on met de l'argent aux enfants malades en Belgique. Okay. Et c'est vraiment ça, c'est, avec tout ce qu'on voit actuellement, oui. C'est une bonne initiative et bon, je voulais en parler un petit peu. Non mais tu as raison, c'est une belle cause, hein. C'est bien d'être là, hein, c'est vrai. Eh ben François, je te remercie encore pour cette petite heure qu'on a passée ensemble. C'était bien sympathique. Et puis voilà, comme j'avais dit, j'avais marqué aussi sur ma publication, on va partir un petit peu en voyage hein, dans les années 70-80. Ce qu'on a fait. Bah, j'espère toi. Que ça vous a plu en tous les cas, que ça mais a bien plu sûr. Aux auditeurs. Bien sûr, bon, c'est vrai qu'on n'a pas pu tout écouter, mais bon, de toute façon, il y a d'autres chansons qui repasseront dans mon émission Coup de cœur, puisque je fais aussi des émissions d'accord. Coup de cœur. Je oui. Rediffuse les artistes que j'ai reçus. Voilà. D'accord. Donc on se dit au revoir, puis on va se quitter avec une dernière chanson que tu interprètes, cette chanson-là. De Michel Sardou, écrite par Michel Fugain. Écrite par Michel Fugain, tout à fait, c'est vrai. Ouais, ouais. Merci pour ton accueil. Mais c'est avec plaisir, merci, François. Alia. Et à bientôt sur vos ondes et pourquoi pas dans les Vosges. Mais bien sûr, à très bientôt, François. Merci à toi. À bientôt, François. Merci. Merci, Lia. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Cette chanson-là, tu ne l'entendras pas tout de suite, mais sois certaine qu'elle te rattrapera. Quel que soit l'endroit de ta fuite, tu la prendras pour toi. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Cette chanson-là remontre à nos années passées, ce temps hélas qu'on ne retrouve pas. Tu l'entendras en plein oubli, 3 minutes dans ta vie. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. chanson.